Les Nuits de France Culture, La Nuit Rêvée d'Anne-Marie Métellier. Rebonsoir Anne-Marie Métellier. Rebonsoir Philippe Gard. Alors tout de suite, avant de reprendre notre entretien, est-ce que vous avez vraiment gardé ce titre? Puisque en 2017, Christophe Onodibio se posait la question, Anne-Marie Métellier va-t-elle garder le titre en français du roman de Leonardo Padura, La transparence des temps? On a gardé La transparence du temps, mais il faisait allusion au fait que j'ai changé systématiquement les autres titres parce que donc on a commencé par un titre qui s'appelait Mascaras, c'est-à-dire les masques, et que je lui ai proposé de l'appeler Electre à la Havane, que je trouvais ça beaucoup plus sexy et beaucoup plus attirant pour un lecteur français. Vous avez le droit de changer avec l'auteur, bien sûr, je négocie avec l'auteur. Oui. J'ai spécialité de changement de titre. Voilà, et si l'auteur refuse, il dit non. Ben non, il garde son titre. Hein, mais par exemple, quand Agustina Bessa-Louis, Sara Mago me donne un livre qui s'appelle Le Mémorial du Couvent. Je vois pas très bien comment on peut attirer des lecteurs français avec ça. C'est pas la vie des bénédictins non plus. C'est pas. Et il me dit non. J'ai dit y a pas un titre que tu as abandonné. Il me dit oui. J'ai dit, oui, y en a un, mais ça sonne tellement mal en portugais. Et je dis c'est quoi? Et c'est Le Dieu Manchot. Et je trouve que c'est quand même un bien meilleur titre que Le Mémorial du Couvent. De même pour Agustina Bessa-Louis, c'était Le Monastère. Et elle me dit, oui, alors je vois ce que tu veux. Alors je vais travailler du côté de Shakespeare. Et puis tout d'un coup, elle me dit, et s'attirer le confortable désespoir des femmes. Et je trouve que Le Confortable désespoir des femmes est un titre magnifique. Surtout qu'il correspond exactement au thème que traite Agustina Bessa-Louis. Vous imaginez bien, Anne-Marie Métellier, que les auteurs n'ont pas toujours envie, finalement, de vous obéir. Et puis après, ils vous obéissent. Ce ne sont pas des ordres, ce sont des propositions. Moi, s'il m'avait dit non, je tiens à... Jamais je ne sortirai... Voilà, c'est... Bon, voilà. Si ça se trouve, avec Le Mémorial des couvents, vous auriez vendu 3 fois plus de... Non. C'est le prix Nobel qui l'a fait vendre. Oui. Alors, Anne-Marie Métellier, donc, c'est votre nuit rêvée. La deuxième partie de cette nuit rêvée va nous entraîner du côté de Luis Sepúlveda, et puis de Lou Andreas Salomé, et puis on terminera la nuit avec Lady Day, avec la... Oui. Billie Holiday. Oui. On en parle tout de suite, dans l'ordre, dans le désordre de ces... Dans l'ordre peut-être. Alors, vous êtes une femme d'ordre, hein. Mais c'est normal. On peut pas difficilement être éditrice et être un peu dans tous les coins comme ça. Et... Dites-moi, c'est encore un auteur Métellier. Et oui, Sepúlveda, il était totalement inconnu, même au Chili, quand on l'a publié. Et c'est le succès français. Un succès qui doit tout aux lecteurs français parce que les représentants de la diffusion n'y ont pas cru. C'était parti pour être vraiment un échec. J'avais envoyé 150 lettres avec des épreuves reliées à 150 libraires. Il y en a 5 qui ont lu. Mais il y a eu le salon du livre et ils se sont enthousiasmés. Et maintenant on dit le buzz, mais le bruit a couru qu'il y avait un livre formidable chez Métellier. Et on a vendu, dans la première semaine, le tirage à 3000 que j'avais fait, et puis 3000 encore, et on en a vendu, on avait vendu 36 000 quand le premier article est paru. C'était vraiment extraordinaire, merveilleux, c'était un conte de fées. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu le prix France Culture aussi? Il y a eu le prix France Culture, oui. Vous étiez à France Culture ici, hein, je vous rappelle, donc vous avez tout intérêt à nous dire que c'est grâce au prix France Culture que ce livre a connu son immense succès. Il y avait aussi le prix des relais H du roman d'évasion, qui est arrivé en même temps que le prix France Culture. Ce que j'avais trouvé assez cocasse, mais ce qui me montrait que... Votre choix était bon. Voilà. C'est ça votre choix, toujours. C'est penser. Alors, c'est le plaisir de la lecture, de votre lecture, évidemment. Mais c'est aussi, vous imaginez, à la place des lecteurs qui ont envie de même que pour les sciences humaines, les sciences fortes, les sciences sociales. Et, au début de votre carrière d'éditrice, vous aviez identifié le fait que finalement, certains écrivains universitaires n'avaient pas envie d'être compréhensibles. Oui. Là, vous comprenez que les lecteurs ont envie de comprendre. Moi, je pense que je suis un lecteur basique, peut-être un peu plus... Oui, une lectrice basique, peut-être un peu plus vorace que la majorité des gens, mais j'aime J'aime qu'on me prenne, qu'on m'emmène dans un monde, qu'on me fasse vivre des aventures. Je me soupçonne d'avoir toujours dans la tête un adolescent qui a lu des livres de pirates, qui est là et qui manifeste ses enthousiasmes. Ou Mazot de la Roche. Vous lisiez Mazot de la Roche, non? Mais bien sûr. Oui. Des œuvres complètes. Mais oui, donc je l'ai lu quelque part. Oui. Oui, en effet. C'était, ça me plaisait. Il y avait toutes ces familles avec tous ces personnages. Oui, et donc je crois que je suis un lecteur comme tous les lecteurs et que si j'aime vraiment beaucoup, je dois partager mon plaisir. Mais alors donc ça vous a entraîné aussi Anne-Marie Métellier vers la littérature policière. Oui, oui. Très vite. Très vite, c'est le nouveau roman social. Moi, je pense que d'ailleurs, je constate que tous nos auteurs de tous les pays, qui écrivent du roman noir, je pense à Giancarlo De Cataldo, le juge italien de Rome, qui a écrit Romanzo Criminale et Suburra. Eh bien, je pense que lui aussi dit, moi, si je n'avais pas lu Balzac, je n'aurais jamais écrit de roman noir. Et comment parler d'une société, comment donner à voir une société mieux que en faisant une coupe dans cette société pour nous la montrer à travers un fait divers, à travers un roman noir. Mmh. Oui, puis le flic de service ou le détective va partout, lui. Oui. Il entre partout, il va dans tous les milieux, et pour la même enquête, il peut aussi bien interroger le préfet ou le député ou que le balayeur des rues qui en sait plus, peut-être. Oui. Je pense que c'est le nouveau roman social, et je me suis aperçu l'autre jour que quand je regarde tout, mais pour moi c'est de la littérature. C'est écrit, il faut que ça soit écrit. C'est pas un roman de genre. C'est toujours avec une ambition littéraire. Et je me suis rendu compte que j'avais sous mes yeux une encyclopédie du monde occidental de la corruption. C'est très très très intéressant, vous savez, les différentes méthodes selon les pays, c'est vraiment intéressant. Vous avez des auteurs islandais, danois? Non, oui, danois, mais c'est pas de, il y en a que un, et c'est pas de ça qui parle. Mais le monde occidental, c'est aussi l'Amérique latine, c'est le Mexique. Je vous conseille la lecture de La double vie de Jésus de Enrique Serna. C'est un roman policier. C'est pas un roman policier, mais c'est un roman où la corruption est décortiquée et il aurait pu très bien paraître sous une couverture noire. Alors, ce qui paraît dans votre couverture noire, c'est Arnaldur Indri Dasson. Dasson. Alors, c'est une découverte, c'est... Oui, le premier qu'on a publié, c'était en 2004 et ça s'est passé d'une façon tout à fait irrationnelle. Racontez-la. J'étais à Francfort. Quand on a publié Sepulveda, on a créé un espèce de petit club des éditeurs européens de Sepulveda. Et on se rencontre, et on se parle, on se dit ce qu'on a trouvé. Et l'éditeur italien, qui s'appelle Luigi Brioschi, qui est le PDG de Guanda et du groupe Longanesi, me dit, tu sais, j'ai lu une traduction anglaise d'un truc qui est assez intéressant, enfin comme ça quoi, c'est assez intéressant, c'est islandais. Et moi je ne savais pas où était l'Islande, et j'ai le cœur qui commence à battre, qui part d'un seul coup, vous savez, comme parfois certains regards dans une foule. Et je fonce en Islande. Et ah, vous êtes comme ça, ouais. Oui. Moi je fonce. Vous étiez à Francfort, c'est le stand islandais. Ah voilà, oui. Et là, à Francfort, mais en Islande, à Francfort. Oui. Et là, il y a une jeune femme très sympathique qui me dit « Oui, mais j'ai déjà 3 offres françaises, parce que votre ami italien, c'est un bavard. » Je dis « Mais ils ont lu ?» Ou c'est un rabatteur, il fait monter les tarifs. Je dis « Mais ils ont lu ?» Vous savez comme sont les éditeurs. Et elle me dit « Non. » Je dis « Mais moi, je ne vais pas acheter, c'est un truc que je n'ai pas lu. » Donc, vous me donnez le manuscrit anglais que vous avez, je le lis et je le fais lire, et vous avez mon offre. Là, on est vendredi. Lundi, en arrivant à Reykjavik, sur votre mail, vous avez mon offre. Et puis, il y avait sur, je parle l'anglais que j'ai appris à Toulouse. Donc, c'est pas terrible. Et pour l'accent, c'est pas terrible. Et il y avait sur le stand un grand type qui se marrait. Et je me dis, il se moque de mon accent. C'est vraiment, j'étais ulcérée. Donc, je pars avec. Vous voulez nous parler avec l'accent anglais un petit peu, Anne-Marie Métellier? Non, non, s'il vous plaît. Non. Non, non, il fait pas, c'est pas assez tard dans la nuit pour faire ça. Et je fais mon offre, je pars avec mon manuscrit, je le fais lire, je lis, on me dit, ouais, c'est pas mal. Et j'envoie, et le mardi, je reçois un coup de fil. Et là, panique. On me dit, c'est vous, qui, on a vous a choisi. Et alors, paniqué, je dis, mais pourquoi ? Why ? Oui, pourquoi ? Et elle me dit, parce que l'auteur était sur le stand, et il a dit, un éditeur qui lit, c'est là que je vais. Et alors donc, le commissaire Erlandour... Oui, Svensson. Voilà, vous a plu ? Oui, oui, et puis en plus, il s'est amélioré au fil du temps, et là, ce n'est plus Erlandour, mais nous avons un nouveau personnage qui s'appelle Conrad et qui est un jumeau littéraire, mais pas avec les mêmes origines sociales. Erlandour, son personnage, était très ancré dans la vie paysanne et la neige, et il a une grande nostalgie, et qu'il ne s'habituait pas à la ville. Tandis que ce personnage, le nouveau personnage, dans le livre qui va sortir cette semaine, s'appelle Conrad. Et lui, il a été élevé par un père qui était un filou semi-gangster qui a été assassiné. Et lui, il connaît toutes les ficelles de la survie en milieu urbain. Et c'est une autre vision du monde. Mais alors, comment les auteurs donc du Nord comme ça peuvent se, parce qu'on en voit un petit peu partout quand même. C'est difficile si on ne connaît pas les auteurs. Comment se repérer dans toute cette immense production des romans nordiques noirs? Alors, vous allez me dire que c'est ceux qui sont publiés chez Métellier qui sont les meilleurs. Mais à part ça, bien sûr. Bon, ce sont les meilleurs. Mais surtout, je n'ai pas fait d'incursion ailleurs que en dehors de l'Islande. Et pour ce que je connais, c'est-à-dire ce que je publie, la littérature islandaise est extrêmement intéressante. Parce que elle est produite dans une île où il y a 9 mois de nuit et où le livre est très très important. Parce que c'est donc écrit pour des lecteurs qui sont exigeants. Et ça donne un ton beaucoup plus littéraire. On n'écrit pas de la littérature de genre. D'ailleurs, quand Indri Larsson est un des premiers à avoir écrit du roman noir en Islande, et les premières critiques universitaires sont épouvantables. Ils disent, oui, on dirait que ça peut être autre chose que de la distraction. Donnez-nous quelques titres. Quel était le premier titre alors, en 2004 C'était La Cité des Jars. Et ensuite, il y a eu le merveilleux La Femme en Vert. Et puis après, c'est monté jusqu'à l'apogée, pour moi, d'Étrange Rivage, qui est d'ailleurs la fin du personnage. Indri Larsson, c'est comme du Siménon. C'est-à-dire que c'est écrit, il a une empathie, il a quelque chose avec ses personnages qui les fait très humains. On est avec lui. Alors, c'est l'écriture, c'est évidemment ce qui compte, mais il y a quand même l'idée d'intrigue dans un roman policier. Mais bien sûr, non, mais il y a alors, des intrigues. Vous avez votre content ? Bien sûr, bien sûr. Et en plus, avec beaucoup de ricochets. J'ai surpris une conversation entre Arnaldur Indridason et Pierre-George Jodikar. Alors, Arnaldur Indridason, islandais, avant il était critique de cinéma, et il a une formation d'historien. Et Pierre-George Jodikar est commissaire de la brigade antimafia de Palerme. Et j'ai entendu Indridason dire à Pierre-George, « Oh, mais vous avez de la veine, vous avez plein de meurtres, vous. Nous, on en a qu'un ou deux par an. » Mais si c'est chaque nuit et que la nuit dure 9 mois, en même temps, ça... Non, mais c'est-à-dire qu'ils sont obligés de travailler sur des profondeurs de temps pour pouvoir... Alors, l'Islande, un Danois, mais pas de Suédois ? Non. Mais vous avez un écrivain français qui raconte la Suède quand même. Mais il est français. Oui, Olivier Truc. Ce que je viens de dire, Olivier Truc. Et ça se passe toujours en Suède. Oui, c'est chez les Lapons. Voilà, les Lapons. C'est pas à Stockholm. C'est pas la caricature pour moi du roman nordique, ce qui se vend vraiment beaucoup. C'est vous avez un tueur en série qui liquide des femmes, et en général, c'est le banquier. Vous arrivez à la fin et vous vous rappelez. Donc, grand-père était nazi. C'est le banquier qui est le tueur en série. Bah, autant que ce soit un notable. Oui, mais les tueurs en série, moi, je n'aime pas ça du tout. Mais ça, c'est pour les mauvais éditeurs de la place de Paris, mais donc, vous, c'est... Et le premier livre, ce qu'ils appellent Le Dernier Lapon, m'a été amené par un ami, un manuscrit qui avait 1500 feuillets. Il me l'a posé sur la table et il a dit, il est pour toi, j'en suis sûr. Alors moi, je lui ai dit, tu sais, moi, mon truc, c'est plutôt les palmiers, la neige, Cuba, tout ça, c'est pas terrible. Il m'a dit, non, tu vas voir, il est pour toi. Et j'en ai emporté une partie un vendredi soir. Le samedi, je suis rentré au bureau pour lire la suite. Et puis, j'ai téléphoné à Olivier Truc, parce qu'il m'avait emmené sur son scooter des neiges, et que j'étais pas morte de froid et d'ennui, et que c'était extraordinaire ce qu'il nous racontait. Et je lui ai dit, voilà, mais on va couper. Et nous avons convenu que nous coupions chacun de notre côté, et nous avons confronté nos coupes, et nous avions les mêmes. Donc depuis, nous travaillons ensemble. Magnifique. Alors on poursuit Anne-Marie Métellier dans donc l'énumération. Enfin voilà, elle a été faite déjà des archives que l'on va entendre dans cette deuxième partie de votre Nuit rêvée. Agora, lettre de Lou Andreas Salomé à Freud. Ça, c'était en 1983, et c'est Marie Moscovici et Jacques Nobécourt qui étaient les invités de Gilles Lapouge. Ça, je voudrais réentendre cette émission. D'abord parce que je voudrais entendre la voix de Marie Moscovici. Marie Moscovici a été une amie très, très, très proche pendant de très longues années. Elle a disparu maintenant, et c'était une lectrice exceptionnelle. Ce qui nous avait rapprochés, c'était une grande psychanalyste, une intellectuelle hors pair, qui pouvait pour moi être quelqu'un de très intimidant, mais nous parlions de livres et de cinéma, et nous nous aimions. Et vous verrez que Marie a une voix très très très belle, et que c'est rare d'entendre des voix aussi belles. Et je pense que dans la nuit, c'est une très belle voix à entendre. Alors par ailleurs, Lou Andrea Salomé, c'est peut-être pour saluer ce qu'a été la libération de la femme pour nous dans les années 70, la génération des grands-mères. Et nous avions une vision de la libération à travers Lou Andrea Salomé. Le petit chariot avec les deux gars derrière et elle les entraînant, c'était quand même une image... dont on pouvait rêver. Dont l'un était C'était Ray, et puis c'était Nietzsche. Mmh. Oui, c'était... Le chariot. Oui, c'était une femme libre. C'était une femme qui ne se posait pas la question de l'égalité. Est-ce que vous lisez, Anne-Marie Bételier, des textes que vous ne publiez pas? Parce qu'ils ont été publiés par d'autres, et que vraiment, c'est pas pour la distraction. Parce que vous nous avez dit dans la première partie de votre Nuit rêvée que vous aimiez aller danser le tango. J'ai une vie personnelle avec les livres aussi. Alors, quels livres lisez-vous que d'autres éditeurs ont eu l'impudence d'éditer? J'ai lu le Goncourt, parce que s'il a été édité par Olivier Cohen, et que c'est un ami, et j'ai été assez surprise de ce livre. J'ai bien aimé, c'est pas tout à fait mon genre, mais j'ai bien aimé. Est-ce que vous vous dites entre éditeurs, la plus grande gentillesse ou la méchanceté la plus délicate et douce, c'est pas mon genre, mais j'ai bien aimé? Ah non, c'est pas du tout comme ça. Olivier est un ami, voilà. Et mais en général, les Goncourt, c'est des livres. Disons que j'ai pas d'appétence. Vous refusez de publier des livres qui pourraient avoir le Goncourt, Anne-Marie Bételier. J'adorerais publier des livres qui aient des prix. D'ailleurs, nous avons eu le prix du meilleur livre étranger pour Christophe Heyn, L'ombre d'un père, que je vous recommande, parce que c'est une aventure d'un adolescent, c'est un roman de formation magnifique. magnifique, et à travers une Europe qu'on ne connaît plus. Alors la voix de Marie Moscovici, mais aussi la voix, on ne peut plus sublime, de Billie Holiday quand même en fin de nuit, oui, puisqu'on pourra entendre Black and Blue. Oui, mais il y a aussi, dans cette émission que vous avez su retrouver, il y a Gilles Lapouge. Oui. Et Gilles Lapouge est la première personne à France Culture et dans le monde des médias qui, lorsque j'ai publié Nu, féroce et anthropophage, m'a téléphoné pour me dire qu'il voulait me rencontrer et qu'on fasse une émission sur ce livre. Et pour moi, c'était extraordinaire. Et j'ai rencontré Gilles Lapouge, qui est un homme merveilleux, la séduction même, l'intelligence, la curiosité. Et qui a publié le dictionnaire Amoureux du Brésil. Voilà, voilà. Et bon, voilà, c'est deux voix qui sont historiquement, pour moi, dans mon cœur. C'est un plaisir de les réentendre. Alors, Billie Holiday donc. Ah, Billie Holiday, c'est aussi lié à Marie Moscovici, car c'est elle qui m'a fait découvrir Billie Holiday, elle m'a guidée dans ma découverte du jazz. Et c'est pour moi important. Et je peux me mettre Billie Holiday, je mets I'm Blue, je peux me le mettre en boucle pour aller jusqu'au bout de la tristesse et de la nostalgie, avec un délice. Alors, Luis Sepúlveda, pour remonter dans le temps, enfin, ce qu'on va entendre, la première émission oui. qu'on va entendre dans quelques dizaines, un peu plus de minutes, Drôle de drame, donc, c'était à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, Luis Sepúlveda, texte lu par Bernard Giraudot. C'est encore un auteur métellier ? Oui. Mais on n'en sort pas, Anne-Marie Métellier. Hein, vous savez. Éditrice, donc 100% du temps. Et... Oui, à 110%. Et Bernard Giraudot, ça a été une rencontre et tout à fait exceptionnelle, puisqu'il est venu, il m'a acheté les droits d'adaptation cinématographique d'un roman chilien qui s'appelait Mirage d'amour avec fanfare, qu'il n'a pas pu réaliser d'ailleurs. Et il me dit, vous savez, j'ai écrit des textes, et alors moi, aux abris, hein, des lettres, des textes d'un comédien, c'est pas pour moi, les Français, je veux pas les publier, enfin bon, vous voyez. Et puis je dis, ben, vous pouvez me les donner, je vais les regarder, et puis je vous conseillerai un confrère. Bien sûr. Et quand j'ai lu ces lettres qu'il avait écrit, c'est devenu un marin à l'encre, et c'était formidable. Et lui avait été bourré de complexes, car il n'avait pas fait d'études, puisqu'il avait quitté l'école. Pour la marine. Et après, mais il avait oublié un tout petit détail, c'est qu'il a fait ses études au conservatoire, et qu'il a appris la langue française dans les plus grands textes de notre littérature. Et c'était magnifique. En plus, c'était des lettres avec une écriture drue. C'était, comment vous dire? C'était des textes virils dans ce qu'il y a de bien. Je sais pas vous dire. Peut-être que maintenant, ça serait considéré comme macho. Mais c'était viril et j'aime beaucoup ces textes-là. Mais c'était un texte fragmentaire. Et un jour, un de ses amis m'a téléphoné en me disant « Il est malade, il est à l'hôpital, il déprime. » Alors j'ai pris mes textes, j'ai foncé, je me suis installée auprès de lui. Je lui ai dit « Ben non, on travaille. » Et on a fait le montage et je partais, on avait monté une partie. Et puis quand je revenais, il avait écrit dans la nuit des textes pour que ça tienne, pour que ça soit. Et on a fait ce livre et c'était merveilleux, on a fait 4 livres ensemble. Et c'était des grands succès. C'était le premier moyen, parce que c'était un livre d'acteur. Et puis après, quand Télérama a dit « un grand auteur, un grand écrivain français est né » pour son dernier livre, j'avais gagné, quoi. Alors, le grand auteur traduit, en fait, Sepúlveda dans cette émission réalisée par Marion Merson et diffusée donc en 2010 sur France Culture. Ils ont lu à deux voix. Oui, ils lisent à deux voix et on a plaisir à entendre les deux voix, ce qui n'est pas toujours le cas quand on entend C'est pas par-dessus comme ça, c'est vraiment l'un après l'autre et oui, deux musiques différentes. C'était très très beau cette lecture à l'Odéon. C'était très. Il y avait un charme particulier. J'espère que le charme a tenu. On va entendre Anne-Marie Metelli, un écrivain, parlant d'un autre écrivain. Vous nous aviez demandé cette archive. C'est Saint-Exupéry qui parle de Jean Mermoz. Mermoz nous manque peu à peu, comme pourrait nous manquer le pain. À force de ne pas entendre son rire clair, nous nous demandons, non avec l'esprit, mais avec tous nos réflexes, où donc est-il ? Et nous découvrons lentement que rien ne le remplacera. On ne se crée pas de vieux camarades. Rien ne remplace jamais le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements du cœur. On ne bâtit pas de vieilles amitiés. On a détruit quelque part un jardin qui nous est désormais interdit, et le monde nous semble moins riche. Mermoz a disparu, et il faisait si bien partie de nous que beaucoup d'entre nous lui doivent un sentiment mélancolique et inconnu, un sentiment nouveau pour nous, le regret secret de vieillir. Saint-Exupéry parlant de Jean Mermoz qui disparaît. Donc, oui, c'est parce... Comme lui-même va disparaître. Oui, mais c'est parce que c'est l'épopée de l'aéroport postal qui m'a fasciné pendant toute mon adolescence. Ah, c'est la Toulousaine là, qui, voilà. Oui, qui parle. Oui, et alors que je suis assez insensible au Petit Prince, j'aime beaucoup les textes de Saint-Exupéry quand il nous parle de la traversée des Andes, quand il y a une aventure humaine et on voit cette solidarité entre ces hommes. C'est moi, je vibre. Voilà. Et vous vibrez aussi quand la formule « on ne bâtit pas de vieilles amitiés ». Exactement. Quand je viens d'entendre ça, je me dis « oui, on ne bâtit pas de vieilles amitiés ». Et c'est l'amitié, c'est ce qui est le plus important pour moi dans la vie. On peut être infidèle en amour, ça va, ça vient, c'est pas grave. Mais on doit être absolument fidèle en amitié, parce c'est pas que grave, c'est, pas c'est grave. Ce qui permet. Ça fait quand même le souffrir, ça fait. Mais non, ça mais donne aussi pas... des romans, de bons romans, oui. Parfois de mauvais. Mais certes. Mais dans la vie, c'est l'amitié qui vous tient debout. Mais peut-être que vous créez certainement. D'ailleurs, c'est pas peut-être. Vous créez certainement énormément d'amis et d'amitiés, Anne-Marie Metelli, puisque tous ces livres, alors tous ne sont pas, tous sont excellents, bien sûr, selon vous, et sans doute. Mais tous les lecteurs qui achètent un livre chez Metelli ne sont pas à 100% fous de joie. Et heureusement, il y a des on préfère tel et tel auteur. Je suis très tolérante. Vous savez, je suis très gentil. Tolérante. Mais dans l'eau, il y a énormément de lectrices et de lecteurs qui vous doivent de très très grands moments. Ils se font rares, hein, les lecteurs qui me disaient je viens vous remercier parce que l'année dernière, vous m'avez conseillé de lire Le bâtard de Palerme et je vous dois mes plus belles vacances. C'est un livre qui se passe en Sicile, c'est un roman de Cape d'Épée de Luigi Lantoli et qui est... le roman qui a été le plus populaire dans l'île, dans la Sicile. Et ces gens étaient partis en vacances, ils avaient ce livre sur le tableau de bord. Et ils sont tombés en panne dans la montagne, et on les a aidés. Et on leur a dit, mais vous avez lu Luigi Natoli ? Allez, venez à la maison. Et ils ont passé 8 jours à la maison. Le livre qui peut vous sauver la vie. Voilà. Mais vous avez certainement d'autres histoires bien comme sûr. Ça de lecteurs. Oui. De lecteurs qui découvrent, qui viennent et qui disent, encore, je veux le même. J'ai connu le plus beau frisson en lisant ce livre, ce commissaire qui enquête en Islande. Qu'est-ce que c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est glaçant. Quand il y a une signature avec Indri Dasson, par exemple, à Quai du Polar à Lyon, il avait signé dans le week-end 1400 livres et les gens venaient le voir en lui offrant des pots de miel, en lui disant voilà, vous nous donnez votre travail et nous aussi on vous rend notre travail. Donc on avait une collection de pots de miel. Qu'en avez-vous fait ? Et il les a emportés. Ouais. Il les a emportés. On a le droit d'emporter dans l'avion comme ça n'est. Bah, vous le mettez en cabine. En cabine. Alors, pas en cabine, vous le mettez en soute. En soute. Anne-Laure Kerr, qui publie un nouveau roman cette semaine là, donc parce que j'ai l'impression qu'il y a une sortie, il y avait les sorties en septembre, les sorties en novembre après les, enfin en décembre après les prix, en janvier, en juin pour l'été, mais il y a aussi maintenant des sorties qui coïncident comme par hasard avec le salon du livre, non? Oui, il y a des sorties. Enfin pour les Indiens. Alors pour le livre indien dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est normal, l'Inde est invitée. Mais il y a aussi des choses de superstition. Pour, par exemple, Indri Dasson, c'est toujours dans la première semaine de février, car il est né le 28 janvier. Moi, je suis né le 1er février, donc c'est bien, on fête ça, tous les deux, et ça sort toujours à ce moment-là. Ça ne correspond à rien du calendrier commercial, mais c'est un rendez-vous que nous avons ajouté dans la vie des lecteurs fidèles. Et puis là, Anne-Laure, Kerr, Richesse oblige, Son dernier livre est sorti en mars, il y a 2 ans, qui était La Daronne, et a eu un grand, grand succès. Et là, c'est pour qu'elle soit prête pour Quai du Polar, qui va être fin mars, début avril. Alors, Richesse oblige. La Daronne, ça va devenir un film, je crois, là, qui sort dans quelques temps, avec Isabelle Huppert. Oui, ça a été adapté, et La Daronne, le rôle, titre, est tenu par Isabelle Huppert. Et l'éditrice, là, se précipite pour refaire la couverture avec le visage des... Ah bah oui. Voilà, évidemment. Bah, tiens. Alors, Richesse oblige, ça parle de... Ah, c'est un livre étonnant. C'est un livre qui se passe pendant la guerre de 70 et maintenant. Au XIXe siècle, on construisait des fortunes. Les familles construisaient des fortunes. Les fortunes se sont conservées. Et maintenant, on a des héritiers qui n'ont plus travaillé pour construire la fortune, mais qui vivent de cette fortune. Or, il s'est passé des choses pendant la guerre de 70. Et en particulier, il y a eu des rameaux, des arbres généalogiques qui sont restés inconnus des familles. Et il y a donc un de ces rameaux qui sort, qui apparaît maintenant, et qui se rend compte que dans la société où nous vivons, il faut être riche pour redresser des problèmes sociaux dans la société. Ça ne se marche plus avec les manifestations, avec les lois, mais si on fait des procès, si on a beaucoup d'argent et qu'on fait des procès, on peut arriver à, par exemple, lutter contre Monsanto, ou arriver à avoir des choses. Et donc, un de ces rameaux inconnus décide d'élaguer l'arbre généalogique de ces gens avec des actions exemplaires, mais qui utilisent les moyens, par exemple un message sur Facebook qui va provoquer en Afrique un moment justice. Le moment justice. La mort par lapidation, par brûlure. Voilà. Enfin, voilà. Oui, et... Mais de deux personnes qu'on connaissait à peine, nous, et qui, finalement, on est très contents, parce que c'est des méchants. Quoi. Donc, seuls les méchants sont punis. Oui, tous les méchants sont punis. Bon, ben c'est bien. C'est bien. On n'est pas certain que l'héroïne fera le bien avec l'argent qu'elle finira par... Mais bien sûr qu'elle va faire le bien. Vous êtes sûr? Bon. Oui. Alors, mais ça, c'est ce qui se passe de nos jours, et c'est donc un livre politique. Oui. Mais ce qui se passe en 1870, c'est surtout la valeur humaine, enfin surtout la valeur d'un homme qui doit faire 5 pouces et 3 pieds ou je ne sais combien. Oui, c'est dans les familles riches, on pouvait acheter un remplaçant pour que les jeunes gens n'aillent pas faire la guerre. Et là, donc, on a acheté un remplaçant. De tout temps, on a fait ça, mais ça avait été annulé, et puis c'était repris sous Napoléon III. À un moment donné, Napoléon III, l'État achetait les remplaçants, payer les remplaçants, et puis il a arrêté de payer les remplaçants, donc ce sont les familles qui ont payé les remplaçants. Oui, c'était privatisé, quoi. Oui, c'était privatisé. Ça se faisait déjà, alors. Oui. Et c'est donc l'un de ces remplaçants qui va faire un enfant à une femme. Un remplaçant, est-ce que c'est le remplaçant? Oui, c'est le remplaçant qui... Remplaçant oui, qui oui, oui, oui, oui, oui, c'est pas le rejeton qui échappe à la guerre avec la Prusse. Non, mais le rejeton est très, très culpabilisé parce que c'est un jeune socialiste. Un communard qui va être communard un an après, six mois après. Il est flottant, c'est un poète vegan et qui est... comment ça s'appelle? Le régime... Pas d'animaux, quoi, bref. Oui, oui. Et il va reconnaître l'enfant. De la petite bonne de la bretonne petite bonne. Qui arrive du Nil. Non, c'est pas une petite bonne bretonne. Non. C'est une héritière qui vient. Oui, il y a quand même un tableau d'une société matriarcale extraordinaire dans l'île Louessant. Enfin, par rapport à la famille riche dans laquelle elle est arrivée, c'est... Oui, mais elle va monter une crêperie. Une crêperie, hein. oui. Elle va utiliser argent, le prix, avec l'argent, de... l'argent de, du remplaçant. Qu'elle a connu bibliquement une seule fois. Oui, mais qu'elle avait épousé, elle, puisque c'était les femmes qui choisissaient leur mari. Mm-hmm. Dans mais tout ça, devant notaire, etc. Elle elle connaît la valeur de l'argent et elle ne se laisse pas faire. En tout cas, c'est à la fois, je dirais, les politiques, c'est une comédie quand même, et un roman historique, c'est tout ça. C'est magnifique, et surtout, il faut remarquer la façon, le style de la partie du 19e siècle est extraordinaire, parce que Anne-Laure a vraiment connaît bien cette période, et elle écrit à la manière du 19e siècle, et c'est extrêmement bien fait. Et à un moment donné, un personnage qui va rue du 4 septembre, je me suis dit, rue du 4 septembre, en avril 71, déjà, mais bien sûr, dès le 4 septembre 1870, enfin, quelques jours après, en tout cas, on avait dénommé la. On avait changé toutes les plaques des rues. Et la partie moderne est très drôle, avec le style que l'on avait vu dans La Daronne, et qui est étonnant et vraiment d'une façon, d'une hardiesse qui est réjouissante. On avait terminé votre première partie de votre Nuit rêvée, Anne-Marie Matelier, en donnant aux auditrices et auditeurs l'envie de lire Dérive des âmes et des continents de Choubangui et Swarup, publié chez Métellier, tiens. Et puis là, de lire Richesse oblige d'Anne-Laure Kerr chez Métellier, noir. Eh bien, votre nuit se poursuit. On se retrouvera en toute fin de nuit, mais tout d'abord, Luis Sepúlveda, Luis Andreas Salomé, en tout cas, Marie Moscovici et Jacques Nobécourt chez Gilles Lapouge. Et puis, on terminera cette nuit par Billie Holiday. Holiday.